Chapitre 10 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1. Chapitre 10 Du parler prompt ou tardif. On ne furent à toute autre grâce donnée. Aussi, voyons-nous qu'au don d'éloquence, les uns ont la facilité de la promptitude, et ce qu'on dit, le bout dehors si aisé, qu'à chaque bout de champ ils sont prêts, les autres plus tardifs ne parlent jamais rien qu'élaboré et prémédité. Comme on donne des règles aux dames de prendre les jeux et les exercices du corps, selon l'avantage de ce qu'elles ont le plus beau, si j'avais à conseiller de même, en ces deux divers avantages de l'éloquence, de laquelle il semble en notre siècle que les prêcheurs et les avocats fassent principale profession, le tardif serait mieux prêcheur, ce me semble, et l'autre mieux avocat, parce que la charge de celui-là lui donne autant qu'il lui plaît de loisirs pour se préparer. Et puis, sa carrière se passe d'un fil et d'une suite, sans interruption. Là où les commodités de l'avocat le pressent à toute heure de se mettre en lice, et les réponses imprévues de sa partie adverse le rejettent de son branle, où il lui faut sur le champ prendre nouveau parti. Si est-ce qu'à l'entrevue du pape Clément et du roi François à Marseille, il advint tout au rebours que M. Poyet, homme toute sa vie nourri au barreau, en grande réputation, ayant charge de faire la harangue au pape, et l'ayant de longues mains pour penser, voire, à ce qu'on dit, apporter de Paris toute prête, le jour même qu'elle devait être prononcée, le pape, craignant qu'on lui tînt propos qui pût offenser les ambassadeurs des autres princes qui étaient autour de lui, manda au roi l'argument qui lui semblait être le plus propre au temps et au lieu. Mais de fortune, tout autre que celui sur lequel M. Poyet s'était travaillé, de façon que sa harangue demeurait inutile, et lui en fallait promptement refaire une autre. Mais s'en sentant incapable, il fallut que M. le cardinal du Bellay en prit la charge. La part de l'avocat est plus difficile que celle du prêcheur, et nous trouvons pourtant, ce qui m'est avis, plus de passables avocats que prêcheurs, au moins en France. Il semble que ce soit plus le propre de l'esprit d'avoir son opération prompte et soudaine, et plus le propre du jugement de l'avoir lente et posée, mais qui demeure du tout muet s'il n'a loisir de se préparer. Et celui aussi, à qui le loisir ne donne avantage de mieux dire, ils sont en pareil degré d'étrangeté. On récite de Severus Cassius qu'il disait mieux sans y avoir pensé, qu'il devait plus à la fortune qu'à sa diligence, qu'il lui venait à profit d'être troublé en parlant, et que ses adversaires craignaient de le piquer, de peur que la colère ne lui fît redoubler son éloquence. Je connais par expérience cette condition de nature, qui ne peut soutenir une véhémente préméditation et laborieuse. Si elle ne va gaiement et librement, elle ne va rien qui vaille. Nous disions d'aucun ouvrage qu'il pût à l'huile et à la lampe, pour certaines âpretés et rudesses, que le travail imprime en ceux où il a grande part. Mais outre cela, la sollicitude de bien faire et cette contention de l'âme trop bandée et trop tendue à son entreprise, la rompt et l'empêche, ainsi qu'il advient à l'eau, qui, par force de se presser de sa violence et abondance, ne peut trouver issue en un goulet ouvert. En cette condition de nature, de quoi je parle, il y a quand et quant aussi cela, qu'elle demande à être non pas ébranlée et piquée par ses passions fortes, comme la colère de Cassius, car ce mouvement serait trop âpre. Elle veut être non pas secouée, mais sollicitée. Elle veut être échauffée et réveillée par les occasions étrangères, présentes et fortuites. Si elle va toute seule, elle ne fait que traîner et languir. L'agitation est sa vie et sa grâce. Je ne me tiens pas bien en ma possession et disposition. Le hasard y a plus de droit que moi. L'occasion, la compagnie, le branle même de ma voix, tirent plus de mon esprit que je n'y trouve lorsque je sonde et emploie à part moi. Ainsi, les paroles en valent mieux que les écrits, s'il y peut avoir choix où il n'y a point de prix. Ceci m'advient aussi, que je ne me trouve pas où je me cherche, et me trouve plus par rencontre que par l'inquisition de mon jugement. J'aurais élancé quelque subtilité en écrivant. J'entends bien, morné pour un autre, affilé pour moi. Laissons toutes ces honnêtetés. Cela se dit par chacun selon sa force. Je l'ai si bien perdu que je ne sais ce que j'ai voulu dire. Et là, l'étranger découverte parfois avant moi. Si je portais le rasoir partout où cela m'advient, je me déferais tout. Le rencontre m'en offrira le jour quelque autre fois, plus apparent que celui du midi, et me fera étonner de ma hésitation. Fin du chapitre 10.